volonté astrale, la volonté humaine. En fait, c'est la seule volonté pour l'instant qu'on connaît. La volonté, on a parlé de la volonté, c'est maintenant qu'on va en parler. C'est maintenant, oui. Mais pour faire la différence, ce qu'on connaissait ou ce qu'on connaît comme volonté, c'est une volonté où est-ce que c'est une question méritoire, une question où est-ce qu'on y met de l'effort. Puis, quand, bon, il y a du savoir, de l'intelligence qui descend, c'est quoi la... Quand ça devient de la volonté, quand il y a quelque chose... Qu'est-ce qui se passe, là, quand ça devient actif? Parce que la volonté, pour moi, c'est quelque chose qui devient actif. Là. Il y a un geste, il y a des choses qui se passent. Quand il y a une main supramentale qui t'attrape, puis qui te pénètre, comme une marionnette, puis là, qui place ses doigts, un dans ta tête, deux dans tes deux bras, deux dans tes deux jambes, et qui commence à te faire faire ce qu'il faut que tu fasses. C'est même pas une question de volonté. C'est de la volonté. C'est même pas une question de volonté, il faudra un autre mot. Non, c'est de la volonté, c'est ça la volonté. C'est eux autres qui devraient changer de mot. Ah bon? Il faudrait les avertir. Il faudrait avertir la volonté. L'astral, peut-être. La volonté, l'humain, quand l'humain parle de volonté, on s'est amusé souvent à dire que l'exemple que je donnais, c'était la personne qui veut travailler, la personne qui ne veut pas travailler, la personne qui est paresseuse, elle n'a pas la volonté de travailler, on dit qu'elle n'a pas de volonté. La personne qui travaille sans arrêt, qui on dit qu'elle est une grande travailleuse, elle n'a pas la volonté d'arrêter. Si on lui demande d'arrêter pendant quelques semaines, elle ne peut pas. Elle n'a pas la volonté de le faire. Il a manipulé à travailler. C'est ça. Alors ça, c'est la volonté humaine. L'humain, qu'est-ce qu'il fait? Dans ses structures astrales, dans sa vision psycho-émotive et théologique des choses, il lit par intuition, il a de l'information sur ce que va être l'être nouveau, et il en crée des contextes plagiés, il en crée des mémoires, des copies mémorielles émotivisées, pour lui permettre de se donner l'impression astrale d'être quelque chose d'important dans le cosmos. Alors, il va jouer avec l'amour, il va jouer avec l'intelligence, il va en faire de l'intelligence, il va jouer avec l'amour, qui est un des paliers du plan de la gratuité, puis il va en faire de l'amour conditionnel. Il joue avec toutes les choses, il joue avec les mécaniques de divinité pour en faire des mécaniques humaines. Il va même aller jusqu'à faire des dieux humains. Alors, c'est la même chose au niveau de la volonté. Il intuitionne la volonté de l'être nouveau, et il en fait une réplique, une copie, astralisé, terrestrifié, mémoriel et humaine, qui va porter évidemment le même nom. Bon, moi, ça lui permet d'agir pendant ce temps-là. Ben, ça lui permet d'avoir l'impression, premièrement, que ça existe la volonté. Alors, il faut avoir de la volonté. Parfait. C'est comme de dire, il faut avoir un bouton. Peux-tu en avoir un bouton si tu n'as pas de bouton? Compliqué, hein? Il faut avoir de la volonté. Eh bien, on fait quoi pour avoir de la volonté? Ben, tu te forces. Mais non, je me force quand j'ai de la volonté. On fait quoi pour avoir de la volonté? Ben, il faut que tu t'énergises, Non, on fait ça quand on a la volonté. Si j'ai pas la volonté de me forcer, je pourrais pas me forcer pour avoir la volonté de bouger. Si j'ai pas la volonté de m'énergiser, je pourrais pas m'énergiser pour avoir la volonté de cesser de boire. Alors, l'humain se sert du principe de la volonté parce que c'est une question d'ego, la volonté humaine, la volonté planétaire, uniquement parce que, premièrement, l'humain reste mal pris avec le principe qu'il a un libre-arbitre. Donc, nécessairement, il a la volonté de pouvoir agir sur les choses. Et parce que l'humain a l'impression qu'il a un principe de libre-arbitre, il va dénaturer l'intuition de la volonté, qui est un des morceaux du phénomène supramental de l'esprit, et il va l'appliquer à l'expression de sa manipulation. C'est-à-dire que si, socialement, il est bien vu de pousser la roche, et que personne ne le fait, quand toi, tu vas le pousser, la roche, quand tu es capable de pousser la roche, tu pourras dire à tout le monde, « Moi, j'avais de la volonté. » Nous autres, on n'avait pas de volonté. Et en plus, c'est tellement évident, même dans le langage humain, que si tu vas te vanter que toi, tu as de la volonté, tu dis carrément que c'est pas grâce à toi que tu as de la volonté. Mais malgré tout, l'humain s'en sert pour, disons, motiver, pour écœurer les autres. La volonté humaine, c'est une volonté qui demande de l'effort. Ça veut dire quoi? La volonté humaine, c'est uniquement une manipulation par collectivisme. C'est la volonté humaine. Alors, si la manipulation collective est suffisamment puissante dans ta conscience astrale, tu auras la volonté de faire ce que le collectif te demande. Alors, si collectivement, on veut que tu cesses de fumer, ben, à un moment donné, il faudra que la collectivité veuille tellement chez toi que ça puisse te manipuler à un point tel pour te donner la volonté de cesser de fumer. Mais cette volonté humaine est totalement liée au principe du collectivisme, donc au principe de l'éducation, ça va de soi. Alors, les individus, par exemple, qui sont éduqués dès leur jeune âge, comme on a au Japon une école comme ça, une école apparemment formée des élites. Alors au Japon, il fait froid, il neige, hein? On connaît le Fujiyama pour certains, vous connaissez le Fujiyama, tu connais le Fujiyama? Montagne sacrée pleine de neige. Et puis, il naïf fait froid là-dedans. Et puis, dans cette école d'élite-là, les petits jeunes qui rentrent là à 6-7 ans, ils sont pas habillés, puis ils sont jamais habillés. Alors, l'hiver, ils vont en récréation dehors quand même. Puis, s'ils pognent la grippe, ben, ils sont chassés de l'école. Il n'y a pas grands élèves, mais c'est une école d'élite. C'est pour ça que c'est une école d'élite, respirant. Chez eux, c'est chez ces Japonais-là, les Japonaises. Lorsque, si un jour ils arrivent à être adultes, lorsqu'ils seront adultes, ils auront de la volonté, selon le standard nippon. Pourquoi? Parce que si à un moment donné, il fait froid dehors et qu'ils doivent aller aider quelqu'un et qu'ils n'ont pas de gants, ils vont y aller. Puis s'ils se gèlent les mains, ils vont continuer. Puis s'ils se gèlent les mains jusqu'à perdre leurs deux mains, ils vont continuer quand même. Parce qu'ils ont une volonté de faire. F.E.R. Oui. Pas une volonté de faire. Comme le métal conduit le chaleur. Ben là, exactement, ils vont faire des mains. Oui. Exactement. Je pose pas des questions, mais il y a assez des petits farces. Hein, c'est bon. Étant donné que ces Japonais-là vont avoir une volonté à caractéristiques humaines, on sait très bien que leur volonté est une volonté formée, une volonté acquise, qui provient du milieu, qui provient du collectif. La volonté de l'être nouveau, la volonté supramentale, est totalement désassujettie du collectif. Elle ne provient pas du collectif, elle est manipulée, elle est assujettie à l'intelligence. C'est-à-dire non seulement à l'esthétisme, à l'utilité. L'utilité digérée dans le contexte planétaire porte le nom d'obligation. Bon. Même si c'est obligé, ça ne veut pas dire que tu peux le faire. Mais c'est l'utilité dans le contexte humano-planétaire, son synonyme planétaire, c'est obligation. Alors, la volonté supramentale oblige l'être humain à faire ce qui se doit d'être fait, en fonction de l'esthétisme, donc de l'intelligence. Mais de toute façon, si lui est intelligent et capable, que l'intelligence le manipule, exprimer la volonté. C'est ça. C'est qu'à ce moment-là, de toute façon, il va être en accord avec ce qu'il y a à faire. C'est même pas une question d'obligation. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que toi, tu vas te dire, je dois prendre le cendrier et le pousser un petit peu. Par exemple, un exemple, OK? T'achètes pas un cendrier. Bon. Je suis pas. Okay. Alors, tu te dis, je dois tasser le cendrier. Mais t'as pas le goût. Donc, t'as pas de volonté. Si t'avais la volonté astrale, tout le monde te regarde de travers parce que tu tasses pas le cendrier. Et là, tu vas s'il peut avoir la volonté humaine, assujetti au collectivisme, de bouger le cendrier. Bon. Quand tu es dans une phase de transition vers l'être transitif, si tout le monde veut que tu bouges le cendrier, tu vas avoir l'énergie de bouger le cendrier, mais tu en gaspilles un petit peu en chiolant. Ah, maudit, ça y est, vous le vouliez, il est bougé, là. Ça te donne l'impression que tu as un lébardé, parce que là, tu commences dans ta subtilité à décoder que tu te fais charrier par autrui, mais pas suffisamment clair pour le savoir en termes d'informations pédagogiques, disons, astro-pédagogique. Par contre, tu le sais suffisamment pour que ça te frustre de te rendre compte que tu es manipulé. Alors là, pour l'ajusteur de pensée, il va donc travailler un ajusteur psychologique, d'influence, et là, il va ajuster l'idée que j'ai pas de débarbé, j'ai un débarbé, je ne suis pas manipulé. C'est pour vous faire plaisir, je le fais. Parce que je l'ai bien voulu, dans le fond. Bon, c'est ça. Et à un moment donné, ce qui va arriver, c'est quand tu arrives à un niveau plus subtil, donc quand tu commences à être en contact avec ton esprit, tu dois bouger le cendrier, et tu n'as pas l'énergie collective pour bouger le cendrier, tout le monde te dit de bouger, tu n'as rien à foutre. Là, tu dis, je sais, je devrais le bouger, mais ça ne te tente pas, ça n'a pas le goût. Qu'est-ce que c'est, ça ne nous tente pas? C'est qu'on n'a pas l'énergie biologique nécessaire pour vous faire une action. Ça ne tente pas. Est-ce que ça tente de faire le ménage? Non. Est-ce que ça tente d'aller jouer aux cartes? Peut-être que oui. Bon, pourtant, c'est de la motricité. Oui, mais si c'est ça. La volonté, tu n'auras pas l'énergie physique pour faire une chose, tu l'auras pour faire une autre chose. Bouger mon cendrier, je ne l'ai pas. Et à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que je vais subitement me sentir déconnecté, reconnecté, et je vais, moi, mentalement, savoir que je suis présentement en contact avec la volonté. Et je vais me rendre compte que ma main bouge exactement comme si... comme si mon corps physique, habité par un corps astral, se déconnectait du corps astral, se tassait de côté et embarquait dans un corps supramental. Alors je sens, là évidemment, quand ça va vous arriver, essayez pas d'entendre les déclics. C'est cloche, cloche, cloche, bang, ça y est, je sais, je... Ça peut finir en rap, cette affaire-là. Non, mais c'est rapté pas mal comme ça. Alors ce qui va arriver à un moment donné, c'est qu'on a l'impression psychique qu'il se passe quelque chose du genre, et là on va découvrir que notre bras se lève, qu'on prend le cendrier, qu'on tasse le cendrier, qu'on est bien content dans les débuts. En même temps, on sent à l'intérieur de nous une insécurité parce que l'ego vient de se rendre compte que c'est pas lui. qui vient de casser le cendrier. Donc, il ne contrôle pas. Et là, l'ego a une insécurité parce que l'ego se dit « Ouais, mais là, si je décide d'aller prendre une bière puis qu'il veut pas, on va faire quoi? » L'ego est insécure, là. Et là, subitement, tu as la volonté. Quand tu arrives à l'étape de volonté... C'est subi, là. C'est pas... Il n'y aura pas une transition sur un an. Ça va être... On va sentir une première fois que ça arrive, puis... Ça va être une transition sur un an, c'est-à-dire que deux jours après, il faut que tu passes encore ton cendrier, puis là, tu l'auras pas, tu déclic. Parce que l'ego, lui, il ne laissera pas le terrain facilement comme ben, ça. L'ego expérimente les choses, l'ego va s'organiser différemment. Sauf que si tu continues à intelligencier en disant, eh ben, je vais finir par l'avoir de toute façon, puis là tu continues à explorer l'absurdité de la mécanique, tu continues encore une fois à créer de la subtilité dans ta conscience, donc tu continues encore à descendre le savoir, et à force de descendre le savoir, tu descends de l'énergie, et à un moment donné, tu vas avoir l'énergie qu'il faudra encore une fois pour le bouger. Et puis là, voilà. Quand je parlais tout à l'heure de volonté paroxystique, quand l'humain vit de l'expérience, de l'écœurement, il voit des formes se briser au niveau de son ego, celle-ci libère de l'énergie, et cette énergie qui provient de l'ego suite à une forme brisée est perçue d'une façon très particulière par l'ego, et c'est ce qui est exprimé dans le langage français sous le terme écœurement. Bon. C'est l'énergie utilisable. Maintenant, cette énergie-là, je vais la conserver, et quand j'ai suffisamment d'énergie, je vais être capable de prendre le cendrier, de le pousser, là j'ai une volonté paroxystique. Qui n'est pas tout à fait la volonté collective et qui n'est pas tout à fait la volonté supramentale. C'est entre les deux. C'est la volonté transitive. C'est une volonté paroxystique. Et c'est surtout elle, au départ, qui va commencer. Si la transition, la volonté paroxystique, elle vit une période de transition qui s'échelonne en termes de temps, ça dépend des individus, mais en termes de qualité, c'est pas nécessaire que tout le monde vive ça. Comprenez-vous bien. Si vous êtes rendu au bout là-bas, vous dites pas crime, j'ai manqué une étape, c'est fort, faut que je retourne, j'ai pas été malheureux pendant ma transition. Ça n'a pas été assez dur. C'est pas normal. Bon. Ça n'a pas été assez dur, je crois. Parce qu'il va arriver à un moment donné, c'est qu'on va avoir l'écœurement, et puis là, on va le prendre le cendrier et on va le faire rêver. Il y aura une émotivité qui va être exprimée pendant la transition, pendant le mouvement du cendrier. Pourquoi? Parce que notre volonté paroxystique est encore. Il y a une grande partie de l'ego qui va se servir de l'énergie de l'écœurement pour pouvoir s'énergiser dans l'écœurement. Forme de masochisme égoïque. Est-ce que la volonté va pouvoir... L'étape qui suit, l'étape qui suit, l'individu va être capable de le tasser mentalement. Ça reste une volonté paroxystique. L'étape qui suit, trois étapes, l'étape qui suit, l'individu va être capable de tasser cendrier après s'être laissé imbiber par l'écœurement, mais sans jamais vivre de dépression, sans jamais vivre d'écœurement psychique. Il va vivre uniquement un écœurement qui ne fait pas partie du concept de l'écœurement. Il va vivre l'écœurement énergétique et simplement se laisser imbiber par l'énergie libérée par les formes. Et là, quand il aura juste ce qu'il faut, il saura comment prendre la chose et la déplacer. Ça, c'est l'écœurement paroxystique, c'est la volonté paroxystique. Et une fois que l'humain en est rendu à ça, il va commencer pendant l'étape de l'expression troisième facteur de la volonté paroxystique, ou un peu après, parce que c'est pas nécessairement chronologique, quand tu as fini un, tu commences l'autre, et ça se mêle. Et l'individu va commencer à exprimer ectopiquement de la volonté supramentale. Ectopiquement veut dire de temps en temps, de façon disparate, sans qu'on sache trop où, pourquoi, ni quand. Alors, donc quand l'individu va, au départ, l'individu va vivre l'expression de la volonté paroxystique pour progressivement se diriger vers l'expression de la volonté supramentale. Ta question c'était? C'était que quand tu as des moments d'énergie paroxystique qui permettent une énergification, une énergie qui est libérée. Comment faire pour que l'ego ne récupère pas ça, puis finalement l'utiliser, la boire ou être vivant dedans, sans laisser imprégner? C'est ça. Être vivant dedans. Ouais. Ouais. Ouais, c'est simple là, mais quand tu le vis, souvent... Il n'y a pas de barbite, donc il n'y a pas de truc. C'est simple là. Pourquoi c'est simple là? Parce que c'est ça. Oui, mais quand je suis mal pris, quand tu es mal pris, tu n'as pas assez d'énergie. Mais qu'est-ce que je fais quand je suis mal pris? Mais tu fais ce qu'une personne qui est mal pris fait. Est-ce que la parole aide à ce moment-là? Parce que la parole... Si tu as l'énergie pour pouvoir parler, ben oui. Ben il n'y a pas de danger de dilapider à ce moment-là? Ben ça dépend comment tu parles. Non, entendons-nous. Parlons pour décrire ce qui se passe, pour essayer de... Ça dépend comment tu fais. Tu parles pour décrire ce qui se passe de façon à atteindre ton propre sort. Non, pas dans ce sens-là. Dans le sens de comprendre le mécanisme. Oui, c'est quand même de l'énergie. Oui, c'est quand même de l'énergie, puis non, t'en perds pas. Voilà. Elle me demande ce qu'on peut en perdre. J'explique qu'on peut en perdre dans certaines situations. Elle me dit non, pas comme ça. Ah voilà. Quand tout va bien, rien va mal. En résumé. Oui, oui. ça c'est correct, parce que lui, il se répond aux questions en même temps. C'est très bon. Alors, il pose une question, et puis là, je lui amène de l'énergie, et puis là, il répond aux questions. Fait que là, finalement, la saveur de sa question a changé au fur et à mesure que moi, je réponds. Puis finalement, ben là, il finit par rechercher une confirmation à ce qu'il vient de répondre à sa question, plutôt que d'en vouloir la réponse. C'est correct. C'est très bien. Bon, c'est amusant en plus. Mm-hmm. Une autre question, ça? Ah, sûrement. Donc, si je comprends bien, c'est qu'il n'y a pas de... Il y a une transition. Donc, si je comprends bien, hein? Il n'y a pas un qui manque, celle-là. Donc, si je comprends bien. C'est parce que je comprends mal, ça va mal partir, il faut aussi bien comprendre. Oui, mais je n'ai pas besoin de dire ça, t'as qu'à parler. OK. Y a la transition, il n'y a pas de d'heure fatidique à minuit, ça devient de la volonté. Là. C'est une transition graduelle. C'est-à-dire qu'à mesure que tu es capable d'exprimer et de conserver l'intelligence, tu vas être rendu apte à exprimer de la volonté. Ce qui est extrêmement important pour l'humain, c'est de bien comprendre que le savoir est une question d'énergie et non pas de compréhension. La conscience ne demande pas de comprendre. L'ego a besoin de comprendre dans l'archétypalité de ce qu'il est. C'est-à-dire que, du point de vue du fait que c'est un ancêtre, c'est de la mémoire. L'ego a besoin de comprendre à un moment donné pour être capable de tolérer le contact avec l'intelligence, de tolérer le contact avec la conscience. Et, au niveau de la conscience, quand la conscience est suffisamment présente, elle n'a plus à informer l'ego. Donc, elle n'a plus besoin de justifier sa présence en face d'un ego, en lui donnant des explications qui vont confirmer des prophéties, des théories spirituelles ou scientifiques, ou des attentes émotives. Quand la conscience de l'homme est suffisamment développée, il se coupe totalement de l'obligation d'informer archétypalement l'ego. Il va informer néotypalement l'ego, c'est-à-dire qu'il va reformer l'ego pour le créer, pour l'anégoïser. Quand on en est rendu à une mécanique comme ça, ce qui arrive, c'est extrêmement intéressant, c'est que l'être humain qui sait que l'intelligence, le savoir, c'est de l'énergie, lorsqu'il commence à toucher, à avoir cela, il devient un être extraordinairement patient. Il devient un être tolérant, mais il devient un être qui est capable d'exprimer de la tentative. Il est extrêmement patient en étant totalement actif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain, l'être nouveau, rendu à ce moment donné-là, il est capable de voir l'énergie descendre chez lui. Il est capable de prendre conscience qu'il n'a pas l'énergie nécessaire pour bouger le cendrier, donc pour créer une action, même si l'action est intelligente, et il ne peut pas vivre la démoralisation. Il n'est pas frustré de ça. Il ne vit rien au niveau de son facteur émotif. Il se rend compte que ce n'est pas le temps encore pour lui que d'exprimer la volonté. Et quand ce n'est pas le temps, ce n'est pas une question de chronographie. Ce n'est pas une question de... Ce n'est pas relié au phénomène du temps dans le sens que ce n'est pas ton temps. C'est simplement que ce n'est pas prêt. C'est comme quand le moteur n'est pas assez chaud, c'est pas le temps de partir, il peut s'étouffer. Mais c'est pas un temps biblique, il n'est pas assez chaud. Oui. Bon. Mais alors, si on est à ce stade-là, ça veut dire, dans le fond, qu'il n'est pas loin. Ça n'a rien à voir. On ne bouge pas. La distance, c'est un parallèle dangereux. Il n'est pas loin dans le sens de vibratoirement. Non, il n'est pas loin prêt. Pour. Il est tout. L'humain, parce qu'on essaie trop souvent de faire des parallèles entre la matière et ces choses-là. C'est très fonctionnel. Je vais expliquer une chose. Les parallèles, c'est un parallèle que je fais. Les parallèles entre la matière et l'évolution se font bien parce que l'évolution tire sa source de la matière, c'est-à-dire de l'expérience, donc de la mémoire. Alors, tu évolues comme sur un sentier, semé d'embûches, et bien voilà, c'est bien correct. La conscientisation est extra-mémorielle. Elle se fait en dehors de la mémoire. Et là, quand tu commences à faire des parallèles entre les choses matérielles qui ont de la mémoire, de l'énergie vitale, parce qu'elles maintiennent leur forme, et une chose qui fait partie de l'extra-mémorialité, on ne peut plus fonctionner. Donc, la conscientisation, t'es pas plus près, t'es pas plus loin, tout ça devient faux. Et ça sert uniquement l'illusion de l'ego, qui recherche toujours à se qualifier de gagnant s'il est plus près que les autres, et qui sert aussi, ça lui sert aussi, évidemment, de se mortifier dans l'astral, comme quoi il est perdant, s'il est plus loin que les autres. C'est quoi être prêt? Ben, ce que je voulais dire, c'était pas une question de temps, c'est une question... Mais j'explique quand même qu'il faut qu'on change, quand on parle de la conscience, qu'on ne fasse plus de parallèles comme ça contre nous. Je peux le faire de temps en temps quand je m'adresse à des individus qui commencent, il faut leur donner la possibilité de suivre. Entre nous, il faut qu'on oublie ça. Tu n'es pas plus prêt. L'individu qui vit cela n'est pas plus prêt, puis il va t'expliquer pourquoi. Parce que ça peut être dans une heure, ça peut être dans 25 ans, ça peut être dans 25 000 ans. Alors, d'autres disent, mais dans mon cas, moi, c'est dans une heure, dans 25 ans ou dans 25 000 ans. Dans ton cas, toi, c'est n'importe quel des trois. Mais ce que je voulais dire... Honnêtement, je sais quand même pas. Oui. Mais honnêtement, c'est n'importe quel des trois. L'humain, oui, il veut toujours avoir une chronométrie. OK? Dans combien de temps que... Ce n'est pas une question de... Le temps n'existe pas. On va dire. Faut te préciser, mais pas vrai. Dans le chemin que vous suivez, le temps n'existe plus. Alors, ça devient totalement irresponsable du point de vue de la communication que de dire qu'un humain conscient est plus près d'une étape qu'un autre. Sommes-nous près de l'an 2000? Oui, on est à 8 ans de l'an 2000. Bon. Sommes-nous près de l'ère du Verseau? On est dedans. Bon. Sommes-nous près de... Bon. Tant qu'on parle évolutif, ésotérique, méritoire, lunatique, etc. Tant qu'on parle de ces choses-là, on peut faire des parallèles entre... Il est plus grand, il y a une grande évolution, c'est une belle âme. Pas de pouvoir, on peut faire des parallèles. Mais avez-vous déjà vu ça, une âme? Alors, une belle âme, ça ressemble à quoi? C'est bleu, ça fait des fossiles, c'est comment? Bon. Quand on parle de conscience, on ne peut plus faire de parallèles comme ça. L'individu, l'être transitif qui en est rendu à un point où il est capable de voir qu'il ne peut pas bouger quelque chose, qu'il ne peut pas agir alors que c'est intelligent qu'il le fasse, il constate. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il ne fait rien. Au mieux, il va intelligencer les choses pour engendrer chez lui l'écœurement. Et que c'est niaiseux que je ne puisse pas bouger. Puis là, à un moment donné, il va même se dire, par exemple, ce serait pour pouvoir prendre une bière, il ne faut plus qu'il en prenne. Alors, il va même se dire, ben, tu vas prendre vite, sa bière! Ben, avant qu'on l'accroche! Pour qu'il ne puisse pas apprendre. Il fait ça vite, il mange son gâteau bien vite, là, puis on va être donc. Quand la crème gassée des cossins, puis envoyer des bains, mais vite, pour éviter de se faire avancer par l'intelligence. Sauf que s'il intelligencie les choses, même une fois qu'il est fini, il ne dit pas, ça y est, mais ça, t'as fait avoir. Non, il observe le fait que c'est pas lui qui a contrôlé, que c'est pas la volonté supramentale. L'antique religion parle de volonté divine. La volonté du Père. Lui, il peut constater que c'est pas la volonté qui a agi, c'est la mémoire. C'est la tradition, c'est le rituel, c'est des besoins, etc. L'individu qui vit ça, il n'a qu'à constater. Mais pas constater émotivement, pas constater encore, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à quoi encore? Encore, c'est une question de temps. Et voilà. Et comme la conscientisation est extratemporelle, tu ne peux pas constater encore que ça n'a pas de valeur. Dans le mot encore, tu ramasses à peu près toute l'énergie qui te permettrait d'arriver à la volonté créatrice. Bon, alors tu constates que c'était pas ça. Et dans l'instantané, puis là, si on te ramène encore le goût de recommencer, tu constates dans l'instantané, pas encore, dans l'instantané, il y a des choses qu'on va faire, qu'on travaille dur en maudit dans l'astral pour arriver à tes affaires. Puis on peut parvenir encore à tes affaires. Ben, tu prends encore la crème glacée, tu mets encore la crème glacée. D'après ça, tu constates que tu t'es fait avoir. Que c'est pas la volonté, donc que c'est pas ton esprit qui a contrôlé. C'est juste ça que l'humain doit faire. Puis là, progressivement, à un moment donné, il va subitement, par l'intelligentiation, par l'observation de la stupidité. Et quand on parle de stupide, ce n'est pas péjoratif. L'abstinence d'intelligence, l'humain va finir par créer encore de l'écœurement chez lui. Il va briser des formes. Il va briser, par exemple, l'une des 25 000 formes du libre-arbitre qui reste chez lui. Puis là, il est emprisonné, parce qu'il se rend compte que c'est pour ça qu'il veut faire. Puis il se rend compte, maman, quand tu manges la crème glacée, il arrête. Puis là, il se rend compte que c'est pas ça qu'il fallait faire, que c'est pas bon pour lui, que c'est ridicule, puis qu'il s'est fait avoir. C'est tout, il se rend compte de ça. Et là, ça va briser des formes, qui ne pas des barbites, mon petit. N'en brise une, il y en a un paquet. Parce qu'il y en a qui savent qu'ils n'ont pas des barbites quand ils viennent pour parler avec le patron. Mais ils sont convaincus qu'ils ont des barbites quand ils prennent leur automobile. Les barbites, là, il est disséminé chez l'humain. C'est un gros concept. T'as un paquet de petits concepts qui ont été associés à peu près tous les événements que tu penses avoir fait. Hein? Parce que quand tu as fait un événement, tu penses que tu associes la mémoire du libre-arbitre à la mémoire de l'événement, parce que tu es convaincu. C'est tout un schéma d'expérience, là. Et j'ai réussi. J'ai fait ceci. Alors, tu vois un petit concept de libre-arbitre. Quand tu brises des petites bulles de libre-arbitre, ben là, tu vas finir par avoir suffisamment d'écœurement pour être capable, la prochaine fois que tu viens dans chronologiquement parlant, c'est quelques minutes après, on te demande encore de prendre la crème glacée. Ben là, tu vas être suffisamment d'écœurement, tu vas être capable de prendre la crème glacée et la foutre aux poubelles. Ça, c'est une volonté parasitique. L'individu qui est capable de vivre ça, donc qui relaxe, qui observe. Observez pas comment l'air vous êtes. Vous êtes pas l'air, pas vous autres. L'individu qui ne fait qu'observer en intelligence, hein, Mais à un moment donné, celui-là, là, il s'utilise, c'est pas utilisé, évidemment. Et puis progressivement, il finit par parvenir à exprimer suffisamment d'énergie chez lui, que là, subitement, il va commencer à s'enclencher le processus de la vraie volonté, donc de la volonté. Et le processus de la volonté, l'individu, tu ne peux pas dire qu'il est prêt ou il est loin, parce que ça n'a rien à voir avec une question de temps, c'est une question de principe. Il faut comprendre l'idée. Horizontalement existe le temps. Donc, si vous partez de là, pour aller là, ça prend un laps de temps. Verticalement, il n'existe pas de temps. C'est ici, tu peux être là, là, là. Donc, 10 pouces de haut, 1 pouce de haut, 20 pieds de haut, ça n'a rien à voir au niveau du temps. Puis c'est pas mieux à 25 pieds qu'à 1 pouce, ça n'a rien à voir non plus. Il n'y a pas de comparaison comme ça. L'individu, là, qui on parle par exemple à 1 pied, l'individu qui est à 1/8. Mais là, il dit, ah, peut-être que je suis plus près que celui qui ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que subitement, tu te ramasses n'importe où. Il n'y a vraiment plus question d'être prêt. Le temps, l'espace, ça n'existe pas là-dedans. Alors, pour la conscientisation, quand on veut descendre de l'énergie en la déformant le minimum avec les concepts, on doit purger tous les concepts qui vont s'adresser à la conscientisation de l'illusion de l'espace-temps. Ça, il me reste des mots. Donc, avec les mots, il reste encore de l'illusion de l'espace-temps. Mais on doit purger au maximum. On s'essaie d'être prêt, d'être loin, puis on a encore du chemin à faire. Puis, non, parce que c'est même pas ça. C'est exactement comme de dire à quelqu'un, pour démarrer ton automobile, il faut que tu mettes la clé, il faut que tu rentres, premièrement, tu débarres la portière, tu rentres, tu t'assois, t'attaches ta ceinture, tu ajustes le boulerier, tu mets la clé dans l'émission. La personne va « tabarnouche, il y a de la farine à moudre avant que j'y arrive. » Non, il n'y a rien à voir avec la farine. Le gars va dire « Oui, moi, je moude la farine à chaque fois que j'ai accompli un geste. » Bon, fait que lui, il débarre l'auto, il va moudre la farine. Il rentre s'asseoir, il moule de la farine, il amène son petit minette. Il attache sa ceinture, il moule de la farine. Fait que là, il décrit tout ce qu'il faut faire, puis lui, il dit, il n'a pas fait de moudre. Il voit ça sur une période. Non, mais c'est pas ça, c'est que la farine n'a rien à voir là-dedans. Mais lui, il ne comprend que s'il est capable, si on parle d'un être, qui conscientiserait uniquement son action en fonction du nombre de fois qu'il va moudre de la farine. Oui, mais c'est un exemple pour dire qu'il ajoute quelque chose, il ajoute même quelque chose dans le temps. Même pas, faites pas aujourd'hui, rien. Ben, crime, je t'ai vu réparer le toit, charge le pneu d'automobile, pelleter l'entrée, puis t'as rien fait. Rien. Il n'a pas voulu de farine dans la journée. Puis il peut voir qu'il a vécu quelque chose s'il a moulu de la farine. S'il a moulu 40 fois de la farine, il a fait 40 choses. Pas la farine. Bon, il répare son pneu, il moule de la farine. Il répare le toit, il moule de la farine. Ça fait quelque chose aujourd'hui. Oui, j'ai réparé mon pneu, puis j'ai réparé le toit. Puis la farine, comment la farine? La farine, c'est sa mesure de choses. Bon, moi, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? J'ai donné un cours. Puis le temps, c'est quoi le temps? Ah oui, mais le temps, c'est ta mesure. Donc, tu dis pas, j'ai fait du temps. Sauf qu'il se trouve, évidemment. C'est un peu. Mais si t'as fait, t'as réparé, dans ta journée, t'as réparé ton toit, ton auto, t'as enseigné, t'as coupé ton gazon, t'as passé la souffleuse. Ouais. En une demi-seconde. T'as voyagé aussi. Ouais, t'as voyagé. Ah, le gazon, c'est un autre pays, c'est ça. Mais en une demi-seconde, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Ben, rien. T'as passé presque 24 heures à rien faire. T'as bougé une demi-seconde de temps. Ça veut dire rien. T'as rien fait. Tu comprends l'idée? Bon, ben, l'humain, c'est la même chose. On est toujours en train d'essayer de mettre de l'espace et du temps au niveau de la conscience. Ces valeurs-là n'existent pas dans la conscience. Donc, si tu ne peux pas, parce que l'humain a des difficultés, pourquoi? Parce que c'est parce qu'on vit tout ça dans le temps. Mais oui, tu vis tout ça dans la farine. C'est ta valeur de mesure de ce qui s'est passé, de ce que tu as fait. Le nombre de fois que tu as moulu de la farine, du grain. Bon. Mais pour l'humain, c'est le temps. Tu chronomètres. C'est banal. Bon, moi j'ai écrit un livre en 2 heures. Faut pas que j'aille m'inventer. Personne ne va l'acheter. Pas cher. Mais c'est une question. Parce que les gens ne peuvent pas comprendre. J'ai écrit un livre dernièrement. OK? Qui va sortir en février. Bon. C'est le décrochage scolaire. Je l'ai écrit en quelques jours. Vraiment, vraiment, il est banal. Puis ça, je faisais d'autres choses pendant ce temps-là. puis le livre a 250 pages, puis c'est une petite bombe, c'est intéressant. Il est écrit en pas grand air. Bon, le livre a une énorme valeur parce que les individus vont évaluer la valeur du livre en fonction de ce qui est dedans, et ça a de la valeur, ce qui est dedans, parce que ça prend du temps aux autres à comprendre ce qui est dedans. Et ça a de la valeur parce que quelqu'un va se dire, tabarouette, pour avoir écrit tout ça au complet, moi ça m'aurait pris. Là, si donc, eux, parce que l'humain collectif, ils vont s'imaginer que ça m'a pris un laps de temps au sein d'écrit, j'ai fait de la recherche. J'ai fait de la recherche. J'ai écrit des choses. Sauf, là, ce qui va arriver, c'est qu'une personne va dire, ouais, mais c'est beaucoup de travail. Peut-être. Si je dis, j'ai pas voulu beaucoup de farine, non. Ils comprendront pas. Parce que je me sers d'une autre échelle de valeur. Mais si je leur dis, quelques jours, ben là, ça n'a pas de sens. Ça vaut c'est moins bon. C'est plus bon. La conscience, la même chose. L'humain est bâti de la même façon. Celui qui arrive vite, là, tu sais, pour la majorité des humains, ça n'a pas de valeur. Le temps. On a une évaluation. Alors, c'est pour ça que je te dis, est-ce que tu es prêt? Être prêt, c'est quoi? Quand je dis souvent que c'est pas la distance, la vitesse de déplacement qui compte, c'est une façon populaire d'exprimer l'idée qu'on ne parle pour rien. Il n'a pas de temps. Mais ça, je ne veux pas revenir en arrière tantôt, mais quand je parlais prêt, moi, c'était dans le sens que tu as une attitude où tu es prêt, justement, prêt, Pierre, non, à laisser pas. Aller ça. Essaye pas. Au fur et à mesure qu'on avance, t'as juste ta conscience, t'as juste ta pensée. Non, je voulais pas revenir là-dessus, mais c'était juste une question de... Mais je reviens pareil. Je vais pas revenir là-dessus, à cause que, puis ouais. J'en reviens quand même dessus. Hein. Continue après. Oui, c'est ça. Mais c'est une question où tu es dans une attitude où si tu t'aperçois que c'est faux, passe hein? Ça... C'est faux. PRET, c'est aussi faux. T'es pas plus prête que t'es presse. Faut pas être empressé. C'est quoi être prête? Prêt à côté. Dans la conscience. Tu l'as ou tu ne l'as pas? C'est quoi être prêt? Ça veut dire que ça s'applique pas. Et non! C'est une question... C'est l'ego qui, lui, s'évalue où est-ce qu'il est rendu. Il s'est venu même pas ce qui est rendu. Il essaie simplement d'avoir des paramètres de ouais, mais c'est ça, c'est parce que lui, il veut pas être n'importe où, il veut être quelque part. Quelqu'un qui est prêt, PRET, ça devrait prendre moins de temps pour arriver. Ben, je dirais même que si la non, mais c'est ça. C'est qu'il devrait être rendu, finalement. Mais non, mais égoïquement, quelqu'un qui dit, moi, je suis prêt, ça veut dire que ça me prend moins de temps pour arriver. Hein? Je suis prêt à passer mon examen. Donc, je suis au bout du temps, je peux pas continuer à étudier. Ouais. Celui qui est prêt, PRES, ça va prendre moins de temps pour arriver. À côté. Ça va prendre moins de temps que celui qui est dans un kilomètre. C'est toujours une question de temps. Être prêt, c'est une évaluation temporelle. Puis l'humain, j'aurais inventé un autre mot intéressant pour désigner la race aujourd'hui, en tout cas. L'humain, actuellement, évalue tout en fonction d'une mécanique temporelle. Et il attribue de la valeur au temps d'usure que tu passes. Donc, tu n'as aucun mérite si tu n'as pas pris du temps. Bon. Et si tu souffres, ça te prend un temps pour t'en remettre. De toute façon, tu as du mérite quand même. Okay? Dans la conscience, il n'y a pas de ce vecteur. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Ça fait partie des mécaniques et l'illusion. L'humain qui ne peut pas, l'humain qui ne comprend pas encore, l'humain qui n'est pas capable de laisser ses vibrations s'harmoniser avec la vision de l'intemporalité et de l'immatériel, aura toujours des difficultés égoïquement, même égoïquement, à abandonner la valeur émotive de la confiance pour la remplacer par la valeur animotive de l'absence de doute. Tu n'es pas plus prêt, tu n'es pas rien. L'humain qui est là, il n'est pas plus prêt d'exprimer la volonté, il est un état qui est instantané. Puis, ce qui se passe dans la conscience au niveau de l'état d'instantanéité n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la chronométrie matérielle où tu es. Autrement dit, quand tu fais du tai chi, par exemple, tu lèves les bras, bon, tu fais des signes grippes, intéressant. Et puis là, tu vas dire, rendu à certaines étapes du mouvement, j'atteins une conscience, une forme de samadhi. Et puis ça me permet de samadhi qu'un jour, il va se passer, bon. Tu peux t'habituer à enclencher la mécanique samadhique seulement quand tu arrives au même mouvement, donc après une demi-heure de tai chi. Mais tu peux aussi un jour t'endormir sur ton tai chi, puis après 3 minutes, arriver au même contact. Là, parce que tu es un ego, tu vas trouver que hey, c'est amélioré en maudit. Tu n'es pas amélioré. Il physiquement, tu n'as rien changé. C'est dans l'intemporalité que c'est passé quelque chose. OK? Au niveau du lien avec le plan physique. Parce que ton ego n'était pas là. Mais ce n'est pas une évolution, tu ne t'es pas amélioré. OK? L'événement était différent, ça permet un contact plus facile. Mais toi, tu ne t'es pas amélioré. Demain matin, tu as à peu 3 minutes, tu ne l'auras pas, après 4, après 5, peut-être après 25 minutes comme d'habitude, tu vas l'avoir. Tu ne t'es pas amélioré. Puis lui-même, lui, il évalue toujours la conscientisation en fonction des démarches d'évolution. C'est-à-dire en fonction des mutations mentalo-psycho-vitalo-physiques. Au lieu d'évaluer, aujourd'hui je vois clair, je vois. Bon, là-dedans c'est clair. Ouais, mais ton auto est toujours aussi sale. Et c'est quoi le rapport entre l'intelligence et la vision claire? Ah, mais un être nouveau a un auto propre. Ouais, mais un être nouveau-né n'a pas eu le temps de la laver. T'sais? Mais l'humain évalue toujours ce qu'il est dans la conscience en fonction de ce qu'il exprime dans l'évolution. Ça crée un paquet de problèmes, parce que dans l'évolution, on vit des expériences pour placer des choses, pour transformer les codes physiques, pour permettre la descente de l'intelligence. Sauf que les mécaniques dans l'intelligence bougent différemment. Ton troisième cerveau n'est pas associé à l'espace-temps. Donc, mais quelle grandeur tu as, mon troisième cerveau, il est bien évolué, on peut faire une scanographie. T'as pas de matière, t'as pas de temps, rien à voir là-dedans. La volonté, c'est la même chose. La volonté, elle commence à apparaître à un moment donné à travers l'humain, à travers la conscience de l'homme, après l'expérience de la volonté paroxystique. Et elle imbibe l'humain à un point tel qu'à un moment donné, l'individu n'a pas besoin d'effort pour bouger le cendrier. Et parce qu'il n'a pas besoin d'effort pour bouger le cendrier, instantanément, il ne vit plus. Il ne vit plus sous le joug de l'écœurement. Il a passé l'étape, finalement. Oui. C'est-à-dire que maintenant, à chaque fois qu'il y a des formes qui vont se briser, premièrement, quand tu es capable d'exprimer de la volonté, tu reçois plus d'énergie. Parce que tu as plus d'énergie, c'est cette énergie-là qui, maintenant, te rend locomoteur, qui va te faire bouger, qui va te faire faire les choses dans la matière. Là, tu exprimes la volonté. Et ça va avoir des répercussions aussi au niveau du monde astral. Les événements vont commencer à se placer uniquement pour ta présence, pour que tu puisses être plus libre d'exprimer l'intelligence. Okay? Mais ça, tu n'es pas dans l'occupé. On devient une masse plus importante, tout tourne autour de nous. Oui. Maintenant, ce qui arrive, c'est que l'individu, parce qu'il reçoit plus d'énergie, n'a plus besoin d'attendre après l'énergie de l'écœurement pour engendrer de la volonté paroxystique pour pouvoir bouger. Il faut comprendre le principe. L'individu, il est en contact avec le savoir. C'est vous, ça, l'individu. Et il ne peut pas bouger. Il ne peut pas accomplir. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. C'est normal. Vous devriez l'accepter chez l'enfant, vous devriez l'accepter chez l'adulte qui se conscientise, vous devriez l'accepter chez vous. Aimez-vous assez pour ça. Vous le savez. Mais je ne peux pas le faire. C'est sûr, c'est le savoir, pour l'instant. Vous savez. C'est l'énergie. À un moment donné, volonté parasitique, c'est pas « on m'a fini par l'avoir ». Non, là, tu te colérises. Tu as brûlé encore de l'énergie. Ah, tu vas pouvoir finir par le faire. Mais c'est pas agréable. C'est évolutif. Évolution, c'est pas drôle. Conscientisation, c'est plaisant. Alors, à un moment donné, tu observes, tu le laisses arriver, puis subitement, tu es capable de le faire, puis quand tu l'as fait, ben voilà. Baigne dans la volonté paroxystique, baigne pas dans l'ego qui dit, bon, ben, je l'ai fini par l'avoir. Enfin. T'as rien eu. Bon. Puis, progressivement, l'intelligence va pouvoir s'exprimer de plus en plus, ce qui fait que ça va te donner un quota d'énergie plus grand. Puis, progressivement, tu vas avoir l'énergie qu'il faut pour être capable de bouger. Alors là, tu vas te dire, bon, il faudrait que j'aille, par exemple, prendre une douche. Me doucher. Oh, je n'ai pas le goût. Hop, tu te lèves. Puis, c'est mentalement, tu es content, maudit. Hey, j'ai même pas lutté. Je suis en train de t'allumer l'eau. J'ai même pas de problème. Puis en temps, l'ego, il se sent insécure, c'est pas croyable. Mais toi, tu te sens heureux en haut. Là, tu prends ta douche, quand tu sors, mais là, ton ego est content. Parce qu'il se sent bien, tu t'es lavé, des énergies que tu as ramassées, n'importe quoi. Bon, il se sent bien. Sauf que là, l'ego, il se dit, ben, en tout cas. Bon. J'ai pas fait ce que je voulais. Non. Sauf que toi, parce que tu es écologique, parce que tu connais l'importance du corps mental, de temps en temps, tu vas avoir la volonté de rencontrer des individus pour parler, nourrir le corps mental. Parce que tu connais l'importance du corps astral, tu vas avoir aussi la volonté de rencontrer des individus, des jeux, des jouets, un animal, un paysage, de voyager, pour nourrir le corps astral. L'ego va être paradisié. Un ego paradisié, là, faites-en pas, c'est pas long qu'il se ramasse un égoïque. OK? Il se ramasse au paradis. Et il va être bien. Pour l'ego, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut, lui. C'est ce qu'il vibre, c'est pas ce qu'il veut parce qu'il est convaincu que ce qu'il veut est impossible. Mais il ne peut pas faire autrement que de continuer à y croire parce qu'il est structuré à même de l'énergie, puis ça, la provenance de l'énergie provient de son paradis. Donc, il n'y a pas le choix de... Oui, ça existe, mais j'y crois pas. Mais ça le tient quand même. Il n'y a pas le choix. Alors, à un moment donné, tu vas avoir la volonté pour nourrir le corps astral, tu vas avoir la volonté qu'il faut pour nourrir le corps vital, pour nourrir le corps physique. La volonté supramentale, c'est pas quelque chose qui va dire à un moment donné, bon, ben là, écoute, là, on s'amuse plus, là, c'est fini. L'ego, là, banzai l'ego. Un corps astral, il a besoin d'énergie. La façon d'alimenter le corps astral, il faut communiquer dans son langage. Puis dans son langage, c'est le rire, l'amusement, le plaisir, c'est être bien avec d'autres individus, échanger au niveau des énergies astrales, avec des animaux, avec un arbre, avec des paysages, avec le sol, avec ton corps, avec l'air. C'est vivre. Bon, ça, tu auras la volonté de le faire. Oh, j'ai pas de main, j'avoue que tu te lèves. Je voulais pas aller jouer au tennis, mais là, ça y est, la prochaine fois, je ramasse la raquette, ramasse les balles, puis... Ben, là, tu t'en vas, puis subitement, le corps va être agréablement surpris. Ton ego va dire, ben, regarde, t'as perdu quand même. Parce que lui, il faut pas de rapport. Oui. Il voit ça, il voit le résultat. Mais supplémentaire, ça devrait... Il jamais manquer la balle. Gagner, mais... Et l'autre, qui est supplémentaire, ouais. il va pas de gagnant, hein? Ça va être une partie longue. Et encore, non. Mais non! Tu payes pour une heure, après une heure, tu es dehors. Ah bon. Partie, les fils. C'est jamais plus long que 15 parties, c'est une heure. Le fait de descendre... Partie, long. Long dans le sens plat, en plus. Oui. Le fait de dire « bouge ton corps », ça amène un peu ce type de volonté. C'est exactement ce qui arrive, c'est quand je dis « prends ton corps et bouge », c'est que si l'individu est capable de se le prononcer, c'est une phrase clé, si l'individu est capable de se le prononcer au bon moment, ça va libérer chez lui le juste l'énergie, c'est pas énorme, ça peut libérer juste l'énergie qui lui manque, bouger. Mais c'est pas « j'ai pas le goût ». En prends ton corps qui bouge, ben, ça ne fonctionnera pas. C'est quand tu le presses, que tu le presses, si ça revient, c'est une litanie. Si ça revient, ben là, prends ton corps qui bouge. Ben, bouge! Ben, à un moment donné, ben bouge! Là, il y a au moins quelqu'un qui va venir te faire bouger. C'est beau, ça. À crier comme ça. Oui. Mais là, tu es capable de le faire parce que tu communiques par la parole. Donc, tu ne émotiviseras pas trop le phénomène de l'énergie. Alors, la volonté va s'exprimer à travers l'humain de cette façon-là, c'est qu'à un moment donné, vous allez voir qu'il faut le faire, et vous allez être en train de bouger pour le faire. Ça, c'est de la volonté. Tout ce qui n'est pas comme ça n'est pas de la volonté, c'est de la copie. C'est la volonté qui est assujettie aux mécaniques collectives, donc aux mécaniques d'éducation. Alors, si ça demande de l'effort, c'est bien. C'est pas parce que ah, ça me demande de l'effort, ah ben j'y vais pas. Non, c'est bon de manger pareil, c'est bon de se tasser devant l'automobile qui s'en vient, même si ça demande de l'effort. Okay? C'est pas parce que ce n'est pas de la volonté qu'on ne doit plus travailler des manipulations sous le poids de l'effort. Ce que je dis simplement, c'est qu'il faut que l'humain fasse bien la différence, cesse de mélanger la volonté de la volonté. Okay? Parce que, ouais, t'as bien pas de volonté! Exact. C'est la seule réponse qu'un être peut donner. Effectivement, j'ai pas beaucoup de volonté. Ah, mais c'est vraiment plus que ça. C'est exact, c'est vraiment plus que ça. Ça fait quelque chose. Mais c'est ce que je fais. Quand ce sera le temps, c'est toi. Tu fais rien, regarde, tu ramasses pas tes affaires. Mais non, je ne peux pas ramasser mes affaires parce que je n'ai pas de volonté. Toi-même, tu l'as dit, on l'a constaté mutuellement. Ça peut régler bien des problèmes, ça. Non, parce que l'autre va aller chercher son balai et il va te taper. Parce que quand un ego rencontre une conscience, ou un ego qui a appris la conscience de la mécanique, ah, c'est frustrant. Ben, il récupère ça. Non, c'est frustrant, maudit. T'es pas supposé savoir de ça. On n'a pas que mon gars entendre ça. Moi, c'est comme quand je dis que les humains sont, par exemple, mensongènes. Ils génèrent le mensonge. Comme les parents qui disaient à leurs enfants, là, t'es en retard, dis-moi pas que t'es encore allé chez tes amis. Non, je n'ai pas été chez mes amis. Dis la vérité. Ouais. Mais dis-moi pas, tu sais, c'est la vérité, mais dis-moi pas ça. Mensongènes. La majorité des humains sont mensongènes. C'est un peu la même chose au niveau de la volonté, au niveau d'un paquet de trucs. Ce qui arrive à un moment donné, c'est que quand toi, tu es capable d'expliquer à quelqu'un de mécanique, même toi, quelqu'un qui te dit, dis-moi pas que, ben, tu réponds, ben écoute, tu sais pas, je te demande, puis tu sais pas, je dis que j'étais chez mon ami. Fait que je te dis plus rien. Là, il est frustré parce que l'ego est frustré parce qu'il y a une intelligence là qui décode toute sa mécanique. Il a l'air d'un épais. Parce qu'un bon ego, c'est un communiste. Elle a simplement fait référence que la première loi du communisme, c'est que tu dois mentir tellement bien qu'on ne sait jamais si tu mens ou pas. C'est le premier règlement ça, dans le manifeste d'Artémie. Bon. Alors, un ego, c'est un peu communiste. C'est-à-dire que l'ego, normalement, lui, il sait que c'est un bon ego s'il est capable de jouer un jeu tel que jamais personne ne peut savoir ce qu'il est. Fait que devant quelqu'un qui le déshabille au complet, alors, ça il rentre pas, en là, guerre. Ouais, c'est ça. Donc, on s'enjuste, on ne fait pas ça, évidemment. Ah! J'appelle ça le mensonge pédagogique. Oui. Encore une question de temps, attendre que la personne soit prête. Dans son cas, à elle, oui. Elle, elle procède de l'évolution. Elle, le besoin du temps. Son temps, qu'est-ce que c'est son temps? Son temps, c'est la répétition d'expériences au niveau de l'ego pour engendrer des mémoires suffisamment construites au niveau de l'ego pour que l'individu puisse avoir dans sa mémoire des facteurs d'acceptation du neuf. Elle, c'est une question de temps. Par exemple, tu es capable maintenant de flotter dans les airs. Alors, quand tu arrives devant ton patron, tu marches à terre. Bon, tu ne flottes pas dans les airs. Il ne pourra pas l'accepter. Lui, il n'est pas prêt, dans tous les sens du terme. Lui, il a besoin de temps. Alors, à un moment donné, tu marches un peu, puis là, tu fais un saut de 3-4 pieds, sans effort. Il va donner 5-5 pieds, puis 5-6 pieds, puis 7-6 pieds. Ah, il va commencer à jaser, à un moment donné, c'est sûr. Sauf que, progressivement, tu vas pouvoir lui expliquer, puis s'il va sauter souvent, il va finir par accepter. Lui, c'est une question de temps. Mais un être humain qui est conscient, tu rencontres une conscience ici dans la salle, puis tu dis aux gens, je peux flotter, voulez-vous voir? Là, il y en a un paquet qui vont dire oui, des égaux puis des êtres humains conscients. Bon, il y en a qui vont rien dire parce qu'ils ne veulent pas découvrir que ça se peut. Qu'eux autres ne puissent pas le faire. Jusqu'à ce que tu puisses pas. Là, à un moment donné, tu commences à flotter dans les airs. Normalement, si les êtres sont dans leur conscience, il n'y a personne qui va prendre la porte en paniquant. Ils vont même se nourrir. Il va y avoir des problèmes des égaux qui vont tourner. Mais les humains vont être corrects. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une question de temps, là. La personne peut dire après, oui, mais chaque fois que je le vois voler, je transpire. L'ego, lui, a besoin d'une question de temps pour s'adapter, mais pas l'individu. OK? Moi, mais gars, je ne dois pas être prête encore. L'ego n'est pas prêt. L'ego veut dire qu'on répète. Imagine-toi là, que tu es un petit peigne, là. Espèce de couche pour indigène. Bon, un peigne, tu es dans la jungle, tu n'as jamais rien vu d'autre que des singes. Et à un moment donné, il y a un hélicoptère qui arrive. Ben là, tu deviens fin. Ouais, la panique. Aujourd'hui, quand tu vois un hélicoptère, qu'est-ce que tu dis? Tu la regardes même pas, tu fais, je tiens là, ouais, ça tombe pas ici, puis tu continues à faire tester de tout. Bon. Pourquoi? Parce que le miracle, le divin, phénoménal, etc., là, tu étais tellement habitué. C'est ça. Ça a pris une question de temps. Alors, au niveau des humains, oui, ils ont besoin d'un temps. Au niveau de l'être conscient, vous êtes réveillé, il flotte dans les airs, puis vous êtes tout là en disant, ben, tu sais, ça fait longtemps que c'est évident, de toute façon, il fait. Bon, on se passera pas en tête. Mais là, il y a une soucoupe volante qui traverse la salle au complet, là, vous allez dire, tiens, il y a une soucoupe qui est passée. Il n'y a pas plus de temps. Vous n'aurez pas besoin de temps d'adaptation. La Terre au complet se déformerait, puis se passerait n'importe quoi, puis ça serait correct. C'est pas une question d'être prêt. Mais au niveau des égaux, au niveau donc de l'humain qui ne vit pas dans la conscience, ben là, c'est évident que tout est basé sur une question de temps. Il ne faut pas y avoir une soucoupe volante de même, il va en faire une religion tout de suite. La conscience. Je cherche à l'amener à une question de vivre dans le temps. C'est qu'elle doit vivre dans le temps sans être dedans. Non, c'est parce que moi, mon corps, il se déplace dans le temps. Ben, laisse-le se déplacer dans le temps. Est-ce que tu as déjà essayé de manger un hot dog par les oreilles? Non. Même si j'avais essayé, je ne dirais pas, là, mais... Donc, essayez d'autres choses. Puis, il y a ce granola, lui, hein? Il méditait, puis il se mettait deux bâtons dans ça, des oreilles, là, puis... Mais, il faut quand même que ta bouche se nourrisse. Pourquoi tu n'essaies pas de nourrir tes oreilles avec des hot-dogs? Ben, c'est pas curieux, hein? Ça n'a pas de bon sens. Ça va mieux par la bouche. Ça passe à la conscience, là. Ça n'a rien à voir ce qui se passe dans la physique. Okay. Oui, mais il faut bien que tu aies conscience, on puisse la mettre dans le temps, parce que j'ai quand même un corps physique. Oui, mais là, chaque fois que tu bouges ton corps... mes oreilles, parce que j'ai quand même une bouche. Oui, mais chaque fois que tu bouges ton corps, c'est pour... La conscience n'a rien à faire, elle. Imagine ceci. Ta vie biologique actuelle, je ne parle pas de celle de tes vies antérieures, celle de tes vies postérieures. Ta vie actuelle, c'est 1 milliard de photos de toi à raison de 24 copiables par ton œil à la seconde, on va dire. Mais l'absolu, lui, il englobe tout ça complet. OK? Fait que lui, il se dit pas, là, le temps là-dedans, là, le temps là-dedans, il a bien le temps à comprendre quand il dit, hey, je suis là. Et il dit, oui, t'es là. Il prend toutes les mille images. Là, ça n'a pas n'importe quoi. Il y a l'image, c'est ça. Il est où? Toi, là-dedans, tu te dis, oui, mais là, je suis présentement ici. La conscience, elle n'a rien à foutre que tu sois là. Parce que c'est pas l'expérience planétaire qui est importante pour elle. C'est la valeur exprimée dans le corps physique, et pas dans une question de chronologie, pas dans une question de temps. L'intelligence qui passe par moi, là, elle se demande pas, bon, il est-tu en conférence, là, pour qu'on aille jaser, là? Elle n'a pas besoin. Bon, si n'importe où je vais être, si l'intelligence est là à descendre, elle descend. Là, l'intelligence, elle se dit pas, il y a-tu du monde pour entendre? Ça peut être ma chatte, ça peut être mon mur, ça peut être moi-même, mon miroir, ma femme, mes enfants, mes amis, n'importe qui. Ça n'a aucune importance. L'intelligence est totalement absoue, elle est désassujettie de l'événementiel planétaire. Donc, elle n'attend pas après l'individu. L'expérience de l'individu, lui, crée de l'évolution, puis ça, c'est régi par le temps. C'est-à-dire que l'expérience temporelle de l'individu fait en sorte que l'individu se casse la gueule, que l'individu ramasse l'expérience, que l'individu ramasse la frustration engendre le mental engendre l'écœurement engendre la négoïsation, l'ajusteur de pensée, puis le contact avec l'intelligence. Mais ça, c'est dans le plan planétaire. Dans le plan planétaire, l'expérience, tu vis n'importe quoi parce que génétiquement, on solidifie ton corps physique par l'émotivité. Tu nourris le monde astral parce que ça nourrit, etc. C'est tout vrai, cela. Et ça permet simplement de conserver un cadre, un écosystème astral. Maintenant, au niveau du plan d'intelligence, elle se dit pas quand il va se ramasser au pire ou telle date, s'il est éternu à tel moment, il va avoir un contact. Il n'a rien à foutre. Tu peux être chez toi pour avoir le contact, être au Pérou pour avoir le contact, être en Afghanistan pour avoir le contact, être à la Lune pour avoir le contact. OK, il n'y a pas de moment précis pour. Il n'y a pas de moment spécifique pour la conscience. Elle n'en a rien à foutre où on en est rendu. Sauf que le fait qu'on soit là. Il y a un lien, là, parce que... Non. Ben oui, le fait que je bouge mon corps, que je fasse des choses... au niveau du temps! Non, sans que ce soit au niveau du temps, là. Mais il y a un lien. Pas un lien chronométré, là. OK, mais c'est ça que je veux dire. C'est un lien qui est en dehors du temps, mais qui a quand même un lien. C'est oui. comment on peut définir oui. ce lien-là? Pas comme tu l'as fait tout à l'heure, tu vois. Oui, as-tu une autre réponse? Ben oui. Ben, c'est comment qu'on peut définir ça? Premièrement. Ben, ça va bien avec la question. Non, c'est parce que c'est que là, je voyais quelque chose qui ne rentrait pas ensemble, puis là, je veux ajuster ça. Ça rentre ensemble. On appelle ça un monde parallèle. Ça répond à tout. Ah, c'est une bonne réponse. Bon, je ne sais pas ce que c'est, mais ça... Ah! Un monde parallèle. Deux mondes qui s'interpénètrent, qui, du point de vue planétaire, sont dans le même espace-temps. Dans le même espace, dans le même temps. Du point de vue extra-temporel, du point de vue supramental, il n'y a pas de temps. L'intelligence qui descend chez toi, comprenez ceci. C'est banal. On est aujourd'hui telle heure. L'intelligence descend subitement chez lui, puis elle le révèle à lui. Ben, instantanément, toi, quand tu avais 12 ans, tu viens d'être révélé à toi. Puis quand tu es venu au monde, tu étais un dieu. Instantanément sur la ligne complète. Puis à 85 ans, là, t'étais niaiseux, puis ouf, t'es révélé. Okay? Toi, présentement, étant donné que ta structure mémorielle chronométrée est limitée à la génétique, à ce qui est fixé dans ton corps physique, a l'impression de parler de cette date du mois de janvier de telle année à telle heure, j'ai eu mon contact. Ce que tu sais pas, c'est peut-être le même toi dans 20 ans qui l'a établi le contact. Que tu l'as aussi, parce que toi, tu l'as, OK? En même temps. Il n'y a pas de question de temps. Suis-je prêt? Non, mais je n'ai pas long à faire. Ça dépend de l'autre zigoto là-bas. Puis l'autre dans l'autre vie, puis l'autre, etc. Quand tu vas le faire présentement, là, toi, en tant que soldat dans le passé, tu vas le régler. Un humain qui se fusionne change la planète. Pourquoi? Parce qu'il se fusionne dans tous les temps. Donc, il change toutes les histoires, toutes les pensées, puis l'avenir, il change tout complet. Partout où est-ce qu'il est passé. Oui, le monde n'est plus réveillé, c'est vite même. Mais c'est sûr, le monde, ils l'ont connu, là, 2-3 000 ans. C'est banal. Mais intéressant. Le temps, non. Non, le temps, lui, non, le fait que ça change mais, tout, mais nécessairement, il y a du temps. Avec tout ça, on n'a pas eu le temps de parler de la volonté. Pas grave, c'est intéressant. On en a parlé quand même. Un peu. Mais plus toi que moi. Oui, mais moi, effectivement. De toute façon, ils s'attendaient à ça, ça serait plus ça que... Donc, on va faire encore une petite pause. Et puis après, on parle de la volonté, on parle de la créativité un petit peu, on répond aux questions que tu vas poser. En passant, à ceux qui sont venus vendredi dernier, vous savez que je ne réponds plus aux questions du public. Il y a 2 conférences d'une heure les vendredis maintenant. Et ça ne veut pas dire que les dimanches, je ne réponds pas à vos questions, je réponds à vos questions à la troisième partie. Ne vous gênez pas.